Agro J'écoute, ça commence maintenant. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce qu'il y a des fois, là, on se trompe. Cible, ça veut dire que ça tue. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cible devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Merci à nos auditeurs d'être là pour l'émission Agro J'écoute. C'est Alban Demour pour Radio Campus FM. Aujourd'hui, nous recevons des étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, Amélie Briandi, Margot Gontier-Morin et Paul Belleville. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission pour parler d'agriculture. Le sujet du jour va être traité en deux temps. La première partie abordera la perception des intérêts des pratiques agroécologiques et la seconde parlera plus en détail d'une de ces pratiques, à savoir la couverture permanente des sols. Nous nous retrouvons dans un instant suite à une petite introduction musicale offerte par Seyal Tanner. Nous sommes de retour dans l'émission Agro J'écoute avec Amélie, Margot et Paul. Nous allons vous parler des intérêts issus des pratiques agroécologiques. Je pense que nous sommes tous d'accord autour de cette table pour se dire que l'agriculture intensive de l'après-guerre a bien tenu son rôle productiviste afin de répondre à une demande alimentaire d'une population grandissante. Mmh. Il semblerait aujourd'hui que cette agriculture se confronte à ses propres limites. Paul, confirmes-tu cela ? Eh bien, tout à fait. Dans la période d'après-guerre, le monde agricole s'est profondément modifié, notamment en intégrant la mécanisation et les intrants de synthèse, comme par exemple les engrais et les produits phytosanitaires. Un des objectifs de cette transformation, comme tu l'as si bien dit, Alban, était de répondre à la demande en fait, alimentaire d'une population grandissante. Du coup, dans ce contexte, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de laisser le climat décider des rendements des récoltes. Du coup, on a utilisé ces outils que sont la mécanisation et les intrants de synthèse pour mettre l'agriculture sous cloche, en fait, mettre nos parcelles sous cloche, de façon à la protéger. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces systèmes arrivent effectivement à leurs limites et les attentes de la population vis-à-vis de l'agriculture ont énormément évolué. Par exemple, la société, on va dire en général, demande à ce que l'agriculteur entretienne le paysage, fasse une production de qualité et respecte la santé. Et ce, en plus de fournir la denrée alimentaire. Mmh. Et pourtant, la situation économique et sociale des agriculteurs, elle, ne s'est pas améliorée. Elle est restée assez basse et aujourd'hui, on assiste à plusieurs crises répétées. On peut penser notamment à la crise du lait, qui nous a frappé il n'y a pas si longtemps que ça. Et concrètement, l'agriculture se confronte aux limites du système productiviste, comme tu l'as dit. Et donc, tu parlais de cette parcelle mise sous cloche, Paul. Aujourd'hui, est-ce que l'agriculture française cherche à soulever cette cloche ? Alors là, je pense effectivement que nous sommes dans une situation où nous devons repenser nos systèmes agricoles dans leur ensemble. Et du coup, pourquoi pas effectivement soulever cette cloche, dans le sens reconnecter en fait l'agriculture avec son milieu complètement, le reprendre en compte. Donc Amélie, qu'est-ce qui se passe quand on enlève cette cloche ? Bah, on va pas se voiler la face. Quand on arrête ce genre de pratique comme l'utilisation d'intrants ou le labour du jour au lendemain, en fait, on prend le risque de subir de plein fouet les problèmes dont on était protégé jusqu'à présent. Le changement radical, en fait, pourrait apporter plus de problèmes que ce qu'on en avait à la base. Mais pour changer ça, il existe en fait tout un tas de pratiques qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que l'agriculture en elle-même se régule. Donc, par exemple, on va se pencher sur les interactions qu'il existe entre la faune, la flore et les caractéristiques spécifiques du milieu. Donc, ça, c'est l'écologie. Et pour activer ces mécanismes écologiques, il faut avant tout favoriser la biodiversité. Et après, on peut étudier tout un tas de contraintes et atouts spécifiques à notre milieu, à notre exploitation, pour en fait adapter son travail du sol, limiter les sols nus et favoriser le recyclage des nutriments, par exemple. Est-ce que tout cela porte un nom, Margot ? Est-ce que c'est étudié par la communauté scientifique ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agroécologie. Donc, comme l'a dit Amélie, c'est l'adaptation de l'écologie aux agroécosystèmes. Donc, en fait, ça a pour but de valoriser ces agroécosystèmes en optimisant la production et en minimisant les intrants. Dernièrement, il y a plusieurs associations ou institutions de recherche qui cherchent à développer ces pratiques. On peut notamment citer l'association Ferme d'Avenir ou le réseau pour une agriculture du vivant, mais aussi les instituts de recherche publics français, tels que l'INRA ou le CIRAD. Les politiques tentent aussi de prendre part à ce débat. Vous avez certainement tous entendu parler des lois Grenelle pour l'environnement, au sein desquelles il y a plusieurs propositions qui sont vraiment spécifiques à l'agriculture. Alors, ça fait plusieurs années que ce concept existe, de l'agroécologie, et pourtant, les campagnes n'ont pas beaucoup changé visuellement. C'est sûrement un gros cliché, mais quand je traverse la Beauce, par exemple, je ne vois que des grandes étendues de champs, sans trop de haies, par exemple. Effectivement. Bon, les pratiques agroécologiques peuvent sembler complexes à mettre en œuvre, et c'est ce qui ralentit vraiment leur déploiement. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est la combinaison d'un certain nombre d'actions en fonction du contexte de l'exploitation, qui vont faire que ça va plus ou moins fonctionner. Il y a notamment différentes contraintes qui s'appliquent à l'exploitation. Les premières sont les contraintes techniques, telles qui sont liées à l'environnement, donc telles que le climat, le sol ou la disponibilité en eau. Par exemple, donc en fonction de ces éléments environnementaux, il y a des cultures, donc des espèces qui vont être plus ou moins à proscrire de l'itinéraire technique si on choisit de le faire en agroécologie. Après à ça, il y a des contraintes économiques qui s'ajoutent, comme le taux d'endettement de l'exploitant ou les investissements en cours. Par exemple, si l'exploitant vient d'acheter un semoir de maïs et que nous, on vient lui dire qu'avec des pratiques agroécologiques, le maïs, faudrait peut-être arrêter, forcément, l'exploitant ne va pas se lancer dans l'agroécologie. Il y a d'autres questions économiques comme la rentabilité des cultures qu'on appelle de diversification. Donc c'est toutes ces nouvelles cultures qu'on va ajouter à notre itinéraire technique et qu'on n'avait pas l'habitude de faire, donc pour lesquelles il va falloir trouver de nouveaux débouchés. Et enfin, il y a aussi des contraintes sociales qui sont par exemple le temps de travail qui va pouvoir augmenter ou diminuer en fonction des pratiques qui vont être mises en place. Après, il y a aussi la sensibilité aux risques de l'agriculteur puisque tout changement peut entraîner des risques, et donc on n'est pas tous égaux dans nos réactions face à ça. Et après, le poids du regard du voisin. Donc c'est le même type de phénomène que celui qui s'applique finalement aux personnes qui vont désherber leur allée ou qui vont tondre leur jardin tous les week-ends. C'est-à-dire que ce type de pratique peut donner l'impression que c'est un petit peu négligé, et donc on va finalement plus ou moins traiter sur nos parcelles pour avoir l'air devant les autres de tenir son champ correctement. Donc en conséquence, c'est assez difficile de servir un argumentaire qui va être tout fait directement aux exploitants qui sont dans l'hésitation. Il y a des exemples de réussite et d'échec qui circulent, mais en gros, quand la reconception du système est bien faite et que l'agriculteur est accompagné, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner et être très positif et pour l'exploitation agricole et pour l'environnement. Amélie, si on parvient à s'affranchir de tous ces éléments cités par Margot, qu'obtient-on ? eh ben, on va obtenir beaucoup de bénéfices différents, et notamment des bénéfices qui ont déjà été mis en valeur dans des exploitations. Donc on va d'abord retrouver des bénéfices techniques comme l'augmentation de la matière organique du sol, l'augmentation de la présence d'insectes pollinisateurs comme les abeilles et d'autres micro-organismes qui vont être utiles au sol. On va trouver aussi des bénéfices sociaux avec des agriculteurs qui redonnent un sens à leur travail. En fait, ils vont plutôt s'éloigner du schéma répétitif de « j'observe un problème, je traite systématiquement ». Et ils vont être de nouveau de véritables acteurs de leur filière et plus simplement des pions. Et pour finir, on va aussi bien sûr trouver des avantages économiques parce que ces agriculteurs ont moins de dépendance aux produits phytosanitaires et aussi parce qu'ils ont plus de diversification de leur production. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour un agriculteur parce qu'il peut y avoir de multiples aléas climatiques qui peuvent faire que telle production cette année-là où les prix du marché sont bas et le fait d'avoir une autre production pour se rattraper, ça dégage un autre revenu et c'est vraiment, c'est presque vital en fait. Très bien, merci Amélie. Donc finalement, nous nous retrouvons face à une nécessité de reconcevoir nos systèmes agricoles, mais cette transition, elle semble complexe car elle doit être réfléchie vraiment au cas par cas, en prenant en compte vraiment des contraintes locales. Donc désormais, il serait intéressant d'illustrer ces propos par un exemple concret que vous avez pu étudier lors de vos différentes expériences de stage de fin d'études. Donc retrouvez-nous dans quelques instants après une courte pause musicale pour la seconde partie de l'émission qui traitera de la couverture permanente des sols. Katam bien kesamar, kesamar. Sirun yer, sirun yer. Sirso hakis katam bien kesamar, kesamar. Garna kavero bari, hazar kavero bari. Yerken seyret karo tagin hobi şarero bari. Garna kavero bari, hazar kavero bari. Yerken seyret karo tagin hobi şarero bari. toujours sur Campus FM pour l'émission Agro J'écoute avec Amélie, Margot, Paul et Alban. Nous avons vu dans cette première partie que l'agroécologie visait à promouvoir des systèmes de production agricole reconnectés avec leur environnement. Nous allons désormais nous pencher sur une pratique agroécologique en particulier, qui est la couverture permanente des sols. Problématique qu'Amélie, Margot et Paul, qui sont avec nous, ont étudié lors de leur stage de fin d'études. Margot, peux-tu nous expliquer pourquoi on s'intéresse à couvrir les sols agricoles ? Alors, lorsqu'un sol est laissé nu, à entendre sans couverture, il est complètement tributaire de la météo et donc il est soumis à différentes dégradations. La dégradation qui est la plus souvent citée, c'est l'érosion. C'est le déplacement de particules de surface du sol par des agents météorologiques tels que la pluie ou le vent. En France, il y a près de 18% du territoire qui est concerné par un important risque érosif. C'est un processus naturel qui a toutefois été grandement accéléré par l'action humaine, notamment à cause du défrichement de nombreux espaces naturels pour en faire des zones cultivables. Il faut savoir que les rendements des sols érodés sont inférieurs à ceux où le sol est protégé, parce que donc la fertilité est diminuée à cause donc de ces éléments chimiques qui vont être emportés, et donc qui seront plus disponibles pour la plante, mais aussi parce que l'eau est moins disponible pour la plante dans les sols érodés. Il faut savoir donc qu'il y a une étude de la FAO qui a été faite qui indique que les pertes moyennes globales sont de 0,3% du rendement des cultures annuelles sur les sols érodés. Donc ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais attention, imaginez bien. Ça signifie que d'ici 2050, ça pourrait conduire à 10% de pertes de récolte potentielle annuelle. Ah oui, en effet, c'est assez conséquent. Amélie, est-ce que toi, tu vois d'autres problèmes à laisser un sol nu, en plus donc, de ce phénomène d'érosion expliqué par Margot ? Oui, bien sûr, il y a d'autres problèmes en plus de ce phénomène d'érosion quand on laisse un sol nu. Parce qu'un sol nu, c'est un sol qui est directement exposé aux rayons solaires. Et donc ça provoque un réchauffement du sol qui, en plus, augmente d'ailleurs le réchauffement climatique global. Le réchauffement du sol, c'est vraiment problématique parce que ça affecte l'activité biologique. Et en plus, ça permet des pertes en nutriments qui sont très importantes, notamment pour l'azote, alors que celui-ci est très utile pour nos cultures. Donc en fait, pour bien se représenter la chose, le fait que le sol se réchauffe, ça marche un peu comme nous. Si en été, on passerait plus de temps sur la plage à siroter un mojito plutôt que de travailler. Bah, en fait, pour les vers de terre et pour tous les micro-organismes du sol, c'est la même chose. Quand il fait trop chaud, quand le sol s'est vraiment trop réchauffé, ils ne vont pas du tout faire leur travail. Et ça, ça va directement impacter les cultures parce que l'activité biologique est vraiment faible. En plus de ça, on va retrouver aussi d'autres problèmes comme l'ensemencement en mauvaise herbe qu'on appelle adventice. En fait, dans des zones comme les tropiques où il y a vraiment plus, où il fait plus chaud et où il y a plus d'humidité, les plantes vont se développer en permanence sur les sols. Et ces mauvaises herbes, les adventices, elles vont se développer et ainsi augmenter le stock de semences en mauvaises herbes. Et plus tard, quand on va essayer derrière d'implanter une culture, ça va être vraiment très difficile de gérer, de lutter contre ces adventices parce qu'elles seront très nombreuses et que le stock de semences sera quasiment infini. D'accord, donc si ces problèmes sont liés à l'absence de protection du sol, une solution pourrait donc être de leur prodiguer une barrière contre ces phénomènes. Margot, peux-tu nous expliquer ce qu'est la couverture végétale sur ces parcelles agricoles ? Oui, alors en fait, il y a deux types de couverture végétale. Il y a notamment celle qu'on utilise en interculture des cultures annuelles, telles que les céréales ou le tournesol, et aussi les couvertures qu'on utilise en interrant des cultures pérennes dans l'arboriculture ou dans la vigne, par exemple. Je vais d'abord laisser Paul commencer avec les couvertures végétales d'interculture, et nous, on enchaînera après pour les couvertures des cultures pérennes. Merci, Margot. Alors, comme tu le disais si bien, le sujet de mon travail de fin d'études a été l'interculture entre deux céréales, par exemple. Alors, sur un plan purement scientifique, on va dire, l'interculture se définit comme l'espace de temps qui sépare la récolte d'une culture de l'implantation de la culture suivante. Concrètement, par exemple dans le sud-ouest, on va récolter le blé en juin et semer par exemple un maïs lors du printemps de l'année d'après. Donc de juin à, on va dire, mars de l'année d'après, le sol reste traditionnellement nu. Et du coup, on rencontre tous les problèmes comme l'érosion, toutes ces choses-là. Une des solutions envisagées est de semer des plantes après la récolte du blé, qui va constituer un couvert intermédiaire. Et selon les différentes méthodes de gestion de ces plantes, on va pouvoir en tirer des bénéfices, comme par exemple la création d'un véritable bouclier entre le sol et la pluie. Mais on peut aussi en favoriser d'autres, qui sont par exemple la fixation de l'azote atmosphérique dans le sol, ou alors retenir l'eau et les nutriments qui vont avec. D'accord, donc si c'est aussi bien d'avoir des sols couverts, pourquoi sont-ils laissés nus ? Et c'est un sujet qui partage en fait. Lors de différentes expériences, j'ai pu aborder le sujet avec différents agriculteurs et les avis étaient assez partagés. Mais globalement, il y a deux réactions qui sont revenues assez vite dans la discussion. La première étant qu'implanter un couvert peut être assez cher. Effectivement, a priori, ça demande d'acheter de la semence, de ressortir le tracteur, donc de dépenser du carburant, toutes ces choses-là, pour quelque chose qu'on ne récoltera pas et du coup qu'on ne vendra pas, a priori. Et c'est beaucoup plus difficile de chiffrer tous les autres avantages liés à l'amélioration de la structure du sol, au recyclage des éléments nutritifs, par exemple. Le deuxième élément qui est ressorti dans les conversations était le côté chronophage de l'implantation du couvert. Effectivement, le fait de tout simplement de préparer le tracteur, par exemple préparer le sol, et puis ensuite de retourner dans la parcelle pour détruire et semer le couvert, ce sont des choses qui prennent du temps. Alors qu'on n'en a déjà pas beaucoup, on aimerait bien se l'économiser. Et donc comment on peut profiter des bénéfices de ces couverts sans en subir les désavantages ? Alors ça a été en partie l'objet de mon stage de fin d'études. L'idée était de tester différents modes de gestion de ce couvert et d'en regarder l'impact sur l'eau, par exemple. Par exemple, le fait de laisser le couvert sur pied, ou alors en le fauchant et en le laissant comme un tapis de verdure sur le sol. Et enfin, on a aussi essayé de l'enfouir avec un labour. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement en quoi ça a impacté sur l'eau, parce que les résultats sont encore en cours d'analyse et l'essai tourne encore au moment où nous faisons cette émission. Voilà, mais j'espère qu'ils seront probants et qu'on pourra en tirer des bons conseils. Très bien. On a vu que donc, ces couverts ne concernent pas uniquement les cultures annuelles, mais aussi les interrangs entre les cultures pérennes. Amélie et Margot, pouvez-vous m'expliquer donc, l'intérêt de placer ces couverts en interrang des cultures pérennes ? Oui, tout à fait. Donc, entre nos dorants d'arbres dans notre verger, on va voir toute cette bande de sol nu qui est donc plus sensible au phénomène dont on a parlé plus tôt, donc l'érosion, la perte en éléments nutritifs et autres. Et du coup, d'implanter sur cet interrang une couverture du sol, ça va permettre déjà de limiter ces phénomènes et ça va permettre aussi d'avoir d'autres bénéfices sur, par exemple, le contrôle des adventices et un effet positif aussi sur certaines populations de nos bioagresseurs. Merci Amélie. Margot, est-ce que tu peux illustrer ces pratiques avec des expériences que tu as réalisées pendant ton stage de fin d'études ? Avec grand plaisir. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire pour une grosse entreprise de production de fruits tropicaux et en particulier de bananes. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, comme dans toutes les régions chaudes avec une pluviosité abondante et beaucoup de chaleur, les conditions environnementales font que les pratiques sont assez complexes. Il y a notamment des phénomènes d'érosion qui vont être très importants et les populations d'adventices et de parasites qui peuvent croître toute l'année. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé avaient entamé une démarche de transition agroécologique. Donc ils cherchaient à réduire leurs intrants, donc les engrais de manière générale, et les pesticides, avec en particulier une réduction des herbicides. Pour ça, ils ont choisi de travailler sur les couverts végétaux multiservices. C'est des plantes qui vont être implantées dans l'interrang des bananiers pour les services qu'elles vont nous apporter. Notamment, en plus du service principal qui était recherché, à savoir l'arrêt de l'herbicide, on va réintégrer de la biodiversité dans nos parcelles. Et on va après, en fonction de l'espèce qu'on va choisir et donc de sa famille botanique, pouvoir par exemple diminuer les apports d'azote synthétique parce que certaines familles de plantes, donc on appelle les fabacées ou légumineuses, sont capables de capter de l'azote atmosphérique et de le restituer au sol. Donc en gros, tout ça pour vous dire qu'une grosse partie de mon travail, c'était d'identifier les espèces qu'on allait pouvoir semer en fonction des contraintes de la production bananière et des bénéfices qu'on allait chercher à lui apporter. Donc les couverts sont uniquement des espèces que l'on va implanter ? Non, pas toujours. Moi, dans mon cas, j'ai justement travaillé aussi en milieu tropical sur l'île de La Réunion, dans de la production de mangue. Et moi, dans mon cas, la couverture du sol, c'était vraiment laisser le développement d'un enherbement haut. Donc en fait, mon projet d'étude, c'était vraiment l'augmentation d'une population de faune auxiliaire, donc prédateurs ou parasites, de nos bio-agresseurs déjà existants sur le manguier. Et en fait, pour limiter ces impacts des bio-agresseurs, on a décidé de laisser se développer des espèces végétales qui sont déjà présentes sur le verger, parce qu'on a estimé que c'était forcément les plus utiles sur les bio-agresseurs du terrain même. Ce développement de l'enherbement haut, ça va permettre plus de biodiversité. Et dans cette biodiversité, on va d'une part retrouver des pollinisateurs qui sont utiles, des micro-organismes du sol qui sont utiles aussi pour activer l'activité biologique. Ça va aussi nous permettre une régulation naturelle des bio-agresseurs. Et en plus de ça, la solution des couverts végétaux par l'enherbement haut, c'est aussi un véritable gain économique. Pourquoi ? Parce que justement, contrairement à là où a travaillé Margot, on n'a pas de couverts à acheter pour les agriculteurs. Les agriculteurs font aussi des économies sur les produits phytosanitaires parce que, a priori, si l'effet est vraiment démontré, ça régule mieux la population des bioagresseurs et ils vont devoir moins traiter justement dans les vergers. Et aussi, ça permet de gagner beaucoup de temps parce que justement, les agriculteurs n'ont plus à passer avec le tracteur pour désherber ou faucher. Donc, c'est tout bénef en fait. Mais Amélie, si c'est si fantastique que ça, comment ça se fait que tous les agriculteurs ne le pratiquent pas ? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question. En fait, je pense que quand on est producteur, notre production, c'est avant tout notre gagne-pain. Donc, la plupart des agriculteurs, ils ont une famille à faire vivre. Certains, comme on l'a évoqué plus tôt, sont aussi déjà endettés pour l'achat du matériel ou autre. Et en fait, l'idée même d'un changement de pratique, ça fait peur. En fait, c'est une prise de risque parce que ces bénéfices, ils sont réels, mais on ne sait jamais à partir de quel moment on va pouvoir les constater au champ. Parce que le temps de cette régulation tout à fait naturelle, ça peut prendre un petit moment et du coup, on n'a peut-être pas directement les avantages. Et en plus, il faut penser que ce genre de solution, c'est pas forcément pertinent chez tout le monde. Par exemple, moi, à La Réunion, on a vu la réapparition d'une maladie qui s'appelle l'anthracnose et qui est favorisée par les milieux humides. Et en fait, le fait de laisser se développer un enherbement haut, ça augmente vraiment l'humidité relative du sol. Et l'implantation d'un enherbement haut chez ces producteurs qui sont déjà en zone humide, c'est vraiment pas recommandé parce qu'on a effectivement vu l'apparition de l'anthracnose. Du coup, à ces producteurs-là, on ne va pas les conseiller de laisser un enherbement haut spontané. Mais il existe d'autres solutions. Donc en fait, ce que je pense, moi, sur ce sujet, ce qui est vraiment important, c'est que les producteurs soient bien entourés, qu'ils soient au courant de toutes ces solutions qui sont possibles, qu'ils travaillent en partenariat avec des conseils agricoles ou directement avec d'autres producteurs qui utilisent déjà ces pratiques ou qui veulent s'y mettre. Et en fait, c'est de là que viendra ce changement, parce qu'il faut qu'ils choisissent ensemble des solutions qui sont vraiment adaptées à leur exploitation, donc en particulier à la production et au terrain sur lequel ils produisent justement. Merci Amélie, et également Margot et Paul, étudiants prépanés, de nous avoir apporté des informations clés sur ces pratiques agroécologiques. Merci également à nos auditeurs d'avoir écouté cette émission réalisée par François Berchenko. Nous vous invitons à écouter les autres sujets de cette émission Agro J'écoute, disponible en podcast sur le site mixcloud.com/campusfm. Je remercie également nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette émission, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale et la région Occitanie. Nous remercions également les artistes Seyal Taner, artiste turc qui nous a interprété Sarmaz Dolas, et Harout Pamboukian qui nous a interprété Kiar Ipar. C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.